modèle, style Naomi Campbell, qui fait un max label et je crois exceptionnel, à la maigreur cadavérique, qui loin de mettre la trique, te dégoûte des femmes et tue tes fantasmes. Béa d'elle-même, qui se prend pour une diva, une espèce de déesse baignant dans son aura. Je l'imagine sur le trône en train de faire la grosse commission, la culotte à ses pieds, cherchant le papier. Je l'imagine sur le trône en train de faire la grosse commission. Patron qui du haut de son estrade regarde le monde comme une franche rigolade, drapé dans sa suffisance et sa toute puissance, fier de sa race et de son rang. Il marche au milieu des gueux, des sous-fifres et des malheureux, tous ces mecs qui sont à ses pieds qu'il traite comme des valets. Je l'imagine sur le trône en train de faire la grosse commission, le pantalon sur les godasses aux prises avec une grosse chiasse. Je l'imagine sur le trône en train de faire la grosse commission. Avec ses caprices, ses délires, ses vices, ses strass et ses paillettes, ses coups d'éclat et coups de tête, qui vit dans sa bulle entourée de crédules, courtisans et groupies vénérant le messie, inaccessible et intouchable qui se croit d'essence divine, adulé de toutes parts, remplissant les magazines. Je l'imagine sur le trône en train de faire la grosse commission, le cul frappé par la flotte sous la fureur de ses flops. Je l'imagine sur le trône en train de faire la grosse commission. Là t'es beaucoup moins intéressant tout d'un coup, hein? Tu redescends sur terre, hein? Allez, pousse, pousse, ça va sortir. Encore un petit effort. T'es plutôt loin là. Ah, ça fait du bien. Ah, on est bien là. Ça y est, tu l'as fait ta petite crotte, l'ami? Et tu peux remonter la marchandise et repartir faire tes bêtises. Jeune cadre dynamique, pédant et narcissique, au discours archi-formaté, à la posture stéréotypée, qui se contente pas d'être mais de paraître, pas du tout fiable malgré ses airs affables. Avec son éternel accent parisien, vernis débile et crétin, il brasse du vent et ressemble à un gland. Je l'imagine sur le trône en train de faire la grosse commission, baignant au milieu de son odeur et rendant son 4 heures. Sur le trône en train de faire la grosse commission, supportant l'odeur nauséabonde qui sort de son caleçon. Ben voilà, j'en ai fini avec vous. Et vous savez quoi? Ben je vous mets tous au fond de la cuvette et... Si, si, si. Tabassi. Tabassi.